choc salé de la brise marine te réveille et tu es là, tout seul au monde. La lagune endormie et déserte et le radeau que tout était créé a sombré sans laisser de traces. Et le croassement des crapauds annonce la saison des amours. Et toi, tu te tournes et te retournes sur ta paillasse. Et tu rêves qu'au petit matin, qu'un bateau t'aura déposé celle que tu dois aimer. Tu auras aussi trouvé un paradis.